Qu'est-ce qu'une jacquerie ? L'histoire du mot jacquerie, qui a été beaucoup utilisé pour qualifier le mouvement des Gilets jaunes, montre comment des soulèvements populaires ayant traumatisé les élites dirigeantes ont pu se fixer dans le langage courant et traverser les siècles pour désigner des événements qui n'ont plus grand-chose à voir avec le point de départ. Il semble que le terme « jacquerie » ait été employé pour la première fois par Nicole Gilles, contrôleur du Trésor royal sous Charles VIII. Dans ses chroniques et annales de la France, publiées à partir de 1492, il emploie ce mot pour désigner l'ensemble des soulèvements populaires qui ont éclaté entre 1350 et 1420, période profondément troublée par les famines, les épidémies de peste et la guerre de Cent Ans. Le point commun entre toutes ces révoltes tenait à leur ancrage dans le monde rural, à leur caractère violent, peu structuré, et par leur forte motivation anti-nobiliaire. Au cours des siècles suivants, le mot « jacquerie » a été employé dans un sens de plus en plus large, mais toujours péjoratif, pour désigner toutes sortes de révoltes paysannes. « Jacquerie » découle en effet du mot « Jacques », un qualificatif utilisé par les nobles pour stigmatiser les paysans, probablement parce que ceux-ci portaient des vestes courtes appelées des « Jacques ». C'est le chroniqueur Jehan Froissart, né vers 1337, qui a joué le rôle essentiel dans la diffusion de ce terme insultant. Dans l'une de ses chroniques, il évoque l'immense révolte paysanne que les historiens ont coutume d'appeler la Grande Jacquerie de 1358. Ce soulèvement, né dans les campagnes d'Île-de-France, n'a duré qu'une quinzaine de jours, mais il s'est répandu comme une traînée de poudre depuis la Champagne jusqu'en Normandie, en passant par l'Artois et la Picardie. Froissart présente les révoltés comme d'horribles brutes, des ennemis du genre humain et de la chrétienté, je le cite. Mais entre les autres désordonnances et vilains faits, ils tuèrent un chevalier, et boutèrent en une broche, et le tournèrent au feu, et le rôtirent devant la dame et ses enfants. Après ce que 10 ou 12 eurent la dame efforcée et violée, ils les en voulurent faire manger par force, et puis les tuèrent, et firent mourir de mâles morts. Et avoir fait un roi entre eux, qui est toi, si, comme on disoit a donc, de Clermont en beau voisin, et l'élurent le pire des mauvais, et ce roi, on appeloit Jacques Bonhomme. Ce récit de Froissart imposa le stéréotype du paysan sanguinaire, incarné par cette figure anonyme que les nobles appelaient Jacques Bonhomme, le pire des mauvais, pour discréditer les porte-paroles de ces jacqueries. Mais d'autres sources ont montré que cette révolte, qui a pris naissance en Île-de-France, l'une des régions les plus riches du royaume, fut animée par des paysans relativement aisés qui possédaient une terre et une charrue. Ils s'étaient révoltés parce qu'ils subissaient durement la baisse des prix du grain et supportaient de plus en plus mal l'aggravation de la fiscalité due à la guerre dans un contexte marqué par les échecs militaires des armées royales. En qualifiant de jacquerie le mouvement des Gilets jaunes, qui n'avait pourtant rien d'un soulèvement paysan, les commentateurs de notre actualité n'ont fait que réactiver les connotations négatives que ce terme avait véhiculées dès le départ.